La Guinée équatoriale, c'est un autre cas à part. Je vais dire, aujourd'hui, la Guinée équatoriale risque d'être plus violente, plus violente que le Mali. Parce que là où nous trouvons aujourd'hui face à la France a vendu un immeuble appartenant à un gouvernement, à un État. En ce moment, la Guinée équatoriale, vous aurez la réaction qui ne serait plus seulement de la Guinée équatoriale, qui serait panafricaine, parce que cette humiliation, nous n'allons pas l'accepter. Nous avions vu ce que la France a fait comme sanction contre le Mali. Mais à la dernière réunion, la France a compris que si la CEDEAO, qui était manipulée par elle, organisait une deuxième sanction, le pire pouvait arriver, elle s'est rétractée. Afrique Média, le monde, c'est nous.